Ouais. Non, bon, moi j'ai deux trucs à redire vite fait. Premièrement, il y a un copain qui est en train de faire une liste de diffusion qui sera remise dans les mains du comité de mob si jamais il est élu. Donc si les gens, enfin si on peut vite la noter pour que les gens qui se barrent maintenant, ils puissent au moins, quand elle sera faite, ils puissent au moins se foutre dessus et savoir ce que c'est, ça me paraît important. Deuxièmement, c'est vrai qu'on nous dit hyper souvent, les manifs, c'est vrai que ça sert pas à grand chose. Bon, en fait, nous, on avait un petit peu anticipé ce truc-là, parce que c'est vrai qu'on l'entend à longueur de journée un peu tous les jours. Rien que pour te sortir, quand la jeunesse est sortie dans la rue et qu'elle a gagné. 1986, projet de loi de Vaquer. 1994, CIP, abandonné pareil. 2006, le CPE, abandonné pareil. 2008, réforme des lycées, abandonné. Donc voilà, moi je pense qu'il y a une force, et quand est-ce qu'on a gagné ça? Et bien c'est justement quand on sort de tout corporatisme, parce que là ce qui se passe, ce sur quoi les étudiants ils se battent, ce contre quoi les travailleurs ils se battent, ce contre quoi les cheminots, les gens qui travaillent dans les hôpitaux ils se battent, en fait c'est pour la politique antisociale et pour les capitalistes que met en place le gouvernement. Et je veux dire, on va pas s'enfermer pour gratter des miettes juste pour nous, alors qu'il y a des gens qui sont dehors, qui sont dans les rues depuis 50 jours, et qui se battent en fait contre la politique globale du gouvernement et qui ne battent pas juste pour leurs régimes spéciaux, juste pour leur gueule. Parce que là, le gouvernement, il a fait un truc de « Ah ouais, tous les gens qui sont nés après 75, bah eux, ils auront, voilà, on leur laisse le système actuel. » Et bah les gens qui sont nés avant 75, ils continuent à se battre. Les cheminots, ils disent tous les jours, sur toutes les actions, dans toutes les manifs, voilà, on les entendait parler au flic l'autre fois et dire « Mais c'est pour nos gosses qu'on se bat. » Et moi, je pense qu'on ne peut pas leur tourner le dos. Et de plus sur les syndicats qui se servent de nous, oui, c'est vrai que ça fait toujours du bien à tous les travailleurs, qu'ils soient syndiqués ou non, de voir la jeunesse. Pour ce qu'on a représenté aux dernières manifestations, un peu près de 250, je suis pas sûr que les syndicats ils se servent de ça, qu'ils se disent « Ah, c'est bon, on a gagné la jeunesse, on va pouvoir s'en servir pour gagner tout ce qu'on veut, tu vois. »